the bagpipes for his clan. Across the hills, the eagles fly forever. The encounter of the hand lady chant the life to melancholy. Along the luck, the story lives forever. Got away, it's my love. Slide away, my life. Over the sea, fighting hell. You know all the good guys find their way to the sky. Over the stars, she's an angel. Well, it's far, far away. The past leaves like today. The past has been slain. Never came, cause he was back too late. Now with our over the shining, the meaning of their destiny says to us the fittings are eternal. Gone away, it's my love. Slide away, my life. Over the sea, if I see her. Ce sont bien là des flammes, la

Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel justement sur le 96.2 MHz et sur le www.radio-arc-en-ciel.com. Voilà, on pouvait nous écouter partout dans le monde, hein. Voilà, si vous êtes coincé à Dubaï par exemple, vous pouvez vous connecter et puis nous écouter sans aucun problème. Voilà. En attendant, c'est une émission où il n'y a pas d'invité, hein. De temps en temps, ça fait du bien de diffuser un maximum de musique, puisque depuis quelques semaines, on a reçu quand même pas mal d'artistes chaque semaine dans l'émission Madriga. On a reçu les Butterflies, on a reçu Mélanie Dis, Axel de la Paix, on a reçu Modern, on a reçu Dirty Kitten, on a reçu Riptide and Tears, Nightfall District la semaine dernière, un groupe de Lille, et bientôt il y en aura d'autres, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On va prendre le temps aujourd'hui, on est là pour écouter le maximum de musique, essayer de parler un petit peu moins que d'habitude. Il y a notre ami Didier qui est là, il nous a préparé une petite chronique, donc ça va se faire comme d'habitude, et tout ça pour vous dire que ce soir, maximum de musique. Alors depuis le début de l'émission, on a déjà écouté pas mal de belles choses, hein. Des artistes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc je vous retrouve ça tout de suite, parce que sur le programme de l'émission Mavrika sur le Facebook, vous pouvez retrouver tout le programme. Donc on a écouté Monston avec Island Spirit, un projet, c'était un artiste Raph qui était venu à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça date, hein, ça commence à faire bien longtemps, donc si Monston a envie de revenir, il n'y a pas de souci. On a écouté aussi le groupe Mona Lisa avec Oh Non Notre-Dame de Paris, donc c'était quand il y a eu la destruction, et le grand groupe, hein, Mona Lisa, un groupe orléanais qui avait super bien fonctionné dans les années, ça commence à remonter, hein, dans les années 70-80, quelque chose comme ça. On a écouté aussi un groupe qui n'existe plus, le groupe Skywax. Voilà, malheureusement j'ai eu la chance, quoi, malheureusement il n'existe plus, mais j'ai eu la chance de le, voilà, il faut quand même mettre la ponctuation, j'ai eu la chance de les voir sur scène et s'arracher du feu de Dieu, on va dire ça comme ça, même si bon. Le morceau qu'on a écouté, c'était un morceau qui avait été fait pendant la période du Covid, et ça s'appelait Réseaux Sociaux. Et juste avant, on a écouté les Twister Cover avec Falling Rain, et encore avant, on avait écouté le groupe Dérapade avec Transporteur, le groupe Dérapade qui sera demain en concert à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Muin. Voilà, on est ensemble pour 3 heures de bonne musique, et puis juste après, je vous ai calé quoi ? Je vous ai calé un superbe morceau d'un groupe parisien qui est venu nous faire une petite visite cette année. Il s'agit de The Wilds avec That Girl Is Killing Me. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. girls kill me. That girl is killing me. You walk your head held down. You won't smile, but you can't go on. Your life feels like a storm deep inside. Your friends and loyal, there's no one when you fall. The laughter in your mind down below. Be brave until you grow enough. Hey, sing a song and don't be angry if something's wrong. The time will pass and now we'll be okay. Don't cry, little guy, if something bad yeah. need again. You can dance in the street. In each crease, why? new space. Fear and the sleeping. And oh yeah. Desire for alcohol is strong. Wine has won again. Wine has won again. Pas bien sur Radio Arc-en-Ciel. Bien sûr que si. En plus, on vient d'écouter de la très bonne musique. Alors là, on est resté sans parler. Il y a Didier et moi, on était un petit peu, on parlait un petit peu dans les studios. On diffusait pas mal de choses. On parlait des concerts à venir, des groupes qu'on va recevoir aussi dans l'émission. Il y a plein de choses. C'est vrai que l'univers de la musique sur Orléans, ça bouge beaucoup. Et il y a des groupes aussi qu'on a perdu un peu de vue après qu'on revoit. Donc là, on va quand même annoncer les groupes qu'on vient d'écouter. À l'instant, c'était, tu te souviens d'eux, c'était les Butterflies. Oui. Et qu'on avait vu en plus en concert le lendemain avec Sika, voilà. Tout à fait. Donc super agréable, des gens super gentils, super professionels aussi, hein, parce que tout franchement le son était super bon. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Red, et en plus c'est calme comme ça le vendredi soir. On se met sur le canapé, on écoute Radio Arc-en-Ciel et on dort. Et on... Non, non, il faut pas s'endormir. Non, non, parce que de temps en temps, on réveille quand même les gens aussi. Oui, hein. On avait écouté aussi, juste avant, le groupe Mabkara, un groupe que j'ai reçu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais ça fait très longtemps puisque le groupe n'existe plus. Ah oui, j'étais pas né, moi. T'étais pas né, non. Et la semaine dernière, bah, t'as le loupé, en tout cas, il y avait Miguel du groupe Mabkara, justement, qui était là, mais en tant que photographe. Donc, il y a eu quelques photos qui ont été faites en noir et blanc parce que c'est sa spécialité. Et on attend d'en recevoir d'autres, on va voir. Parce que la semaine dernière, on a reçu ici Nightfall District. Ouais, mais j'ai trouvé un petit peu tristouné. Qui ça, Nightfall District? Ouais, wow. Sur les photos, elle est un petit peu oui, tristounette. Oui. Ouais. C'est vrai que même quand j'ai pris les photos, elle avait cet air-là. Je dis, mais il y a un sourire. Ouais, elle... ouais. Mais bon, je pense qu'elle voulait garder son air sérieux et tout ça. Donc, Nightfall District, on a écouté un morceau qui s'appelle Street Rat. Donc le rat de la ville. Et Mabkara, c'était Sometime, un morceau qu'on a diffusé la semaine dernière et de nombreuses fois, mais ça faisait un petit moment qu'on les avait pas passés, donc ça fait toujours plaisir. Encore avant, on a écouté aussi Told. Alors là, tu as vu la voix qu'il a. Waouh. Told, donc c'est quelqu'un avec un très bon accent anglais. Anglais, hein. C'est vrai qu'on. Ouais, mieux fois, que moi. Il y a des fois certaines personnes qui chantent en anglais parce que c'est pour la langue, moi qui dis ça, bien sûr. C'est la langue du rock'n'roll et tout ça. Mais des fois, on reconnaît l'accent français. Et là, franchement, c'est bien interprété, bien fait tout ça. Bah Told, c'est un nouveau projet de Thomas Liénard qu'on a déjà reçu ici avec les Black Trees il y a quelques années. Ouais, c'était déjà du rock très métalleux. Très métallique, on va dire ça comme ça. Ouais. Et là, il est à son nouveau projet. Donc, c'est le deuxième morceau. Il avait fait une reprise d'une chanson d'Adèle. Et cette fois-ci, c'est un morceau à lui, je suppose. Bah, le mieux, ça sera qu'un jour, il vienne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, viens quand tu veux. On l'invite, on va l'inviter. Je lui avais déjà dit qu'on essaierait de le caler. Et en tout cas, ça me ferait plaisir de le revoir parce que je trouve son nouveau projet super bon. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Step Into the Sun. Encore avant, un groupe que nous avons découvert dans l'émission Maureka, et ça, c'est un groupe qu'on aime beaucoup aussi, et avec un style vraiment particulier, c'est le groupe Hall, les chouettes, les hiboux. Voilà, donc avec Something. Ouais, voilà, avec une voix très grave et puis des très bons musiciens, c'est super propre, c'est super nickel. Donc le groupe Wild, Hall, parce que je regardais, il y a The Wild qui était juste avant Hall qu'on a reçu dans les studios. Et d'ailleurs, dès qu'il y aura de l'actualité, ils reviendront dans les studios parce que c'est des gens qu'on voit de temps en temps. Et s'ils nous écoutent, on leur fait un petit coucou en tout cas. On a écouté aussi The Wild, ce qu'on a reçu cette année, avec Marc Albert. Et Audrey. Sa bassiste. Le morceau qu'on a écouté s'appelle That Girl Is Killing Me. Ça, c'est le titre phare. T'as fait des cours d'anglais, toi, depuis la dernière fois, non? Non. C'est moi qui te dis ça. Moi, je vais dire une chose. J'ai remarqué quelque chose aussi. C'est que, par exemple, si je fais toute une phrase en français, je mets un mot anglais, c'est complètement à côté. Si j'essaie de faire une phrase en anglais, Je fais l'émission en anglais, alors. Ouais, c'est ce que je vais faire. Comme ça, personne ne va rien comprendre, ni les anglais, ni les français, personne. Donc, c'était That Girl Is Killing Me de The Wilds. Et donc The Wilds, on va en parler tout à l'heure parce que Marc Albert a un autre projet aussi. On va en parler. J'ai entendu parler de ça. Et ils vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc c'est un trio même, je crois, non? Ouais, c'est un trio aussi. Il y a aussi, on a écouté aussi les Twister Cover, qu'on a reçu un grand groupe de la région orléanaise. Hein, toujours autant de plaisir. Ils ont sorti un album qui s'appelle 3. Parce que c'est le troisième, tout simplement. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Falling Rain. Le batteur? Le batteur, Gwen. Oui, c'est bien lui. J'ai vu mercredi, alors. Ah ouais, c'est possible. Moi, j'ai vu Nico, le bassiste, hier. D'accord, voilà. Donc, tu vois, le monde est petit. On a écouté aussi, encore avant, c'était Dérapade, le groupe que nous allons voir demain au concert Maureka Live numéro 16. Ils sont où demain soir? À l'Espace Berrère, à la Chapelle Saint-Denis. À partir de 20h, il y aura Dérapade et il y aura Elixir. Voilà, Elixir. À partir de quelle heure? À partir de 20h. Donc les portes, elles ouvrent à 20h ou c'est le concert qui... C'est le concert, donc arriver un peu plus tôt. Hein. Ah. C'est vrai que... on s'y est mal pris parce que normalement on aurait dû mettre 19h parce que ça commence à 20h et on a mis 20h et du coup les gens ils arrivent à 20h30 donc on va essayer quand même de démarrer assez tôt, mais il y aura 3 heures de rock hein, donc 3 heures donc de... cette fois-ci t'as pas d'interplateau et t'as que deux groupes, c'est bien ça? Que deux groupes, on leur a laissé plus de temps. Par contre, oui, c'est vrai que avant trois quarts d'heure, c'était un petit peu limite. Donc, plus de temps pour qu'ils jouent. Et alors, les gens, n'hésitez pas de venir. Bah oui, il faut, faut venir au concert, il faut applaudir les artistes. Il y en a qui peuvent pas, ils sont du côté de Nancy, ou je sais plus quoi. Ils Annecy, sont Annecy. Annecy, pardon. Salut Alex, salut à toi. Alex qui nous écoute à Annecy, nous envoie un petit message, donc voilà, ça nous fait plaisir. Alex Le Bail. Alex Le Bail, il m'a dit que peut-être il essaierait de passer, suivant mais suivant à l'heure à qui il arrive, parce qu'il est en concert ce soir à Annecy, voilà. Donc, j'ai compris. Ouais, Nancy, non, c'est Annecy. Annecy. C'est pas tout à fait la même. C'est pas la même région. C'est pas la même région. Donc, Dérapade, on a écouté un morceau que je crois que c'est mon morceau préféré. C'est pour ça que je le diffuse un peu plus. Moi, que les j'aime autres. Bien Showbiz. Ouais, Showbiz aussi. Transporteur. Oui. Là, donc, le morceau Transporteur, c'est un morceau que j'aime bien et que vous aurez l'occasion d'applaudir demain. Si vous demain soir, venez les découvrir. Voilà. Donc, tu avais vu tout à l'heure les groupes qu'on nous avait reçu depuis les Butterflies, et on va continuer peut-être parce que il va se passer quelque chose le 13 mai, donc c'est la semaine prochaine, on va se revoir la semaine prochaine le 13 mai. Le 13 mars, le 13 mars, voilà. Bon, on recommence, on dit que ça s'est pas passé, vous avez rien entendu. On efface, donc on va présenter donc les prochaines dates la semaine prochaine. Donc le 13 mars il y aura le groupe Cyclin. C'est la première fois qu'ils viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le bassiste de Last Rider, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, en fait partie. Donc voilà, le monde est petit, il y a quand même des artistes qui font partie de plusieurs projets différents. Donc ça sera l'occasion de les découvrir le 13 mars, Cyclim, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est Cyclim Cyclim, alors ça c'est Cyclim. M comme Marie. D'accord. Voilà, Cyclim. Donc, C'est pas six clim. Non, parce qu'une clim suffit en principe. Oui, en général, ouais. Voilà, donc le 3 avril, on va recevoir Lonson Sonic Watson. Alors, j'ai rien prévu. Pourquoi ? Parce que on va être aussi fin du mois de mars. On sera à la foire. On est à la foire. À la foire exposition. Alors toi, je sais pas si tu y seras ou pas. C'est parti pour. Ça dépend. Effectivement, je devais pas être là, mais comme je devais passer à Dubaï. Et que Dubaï, en ce moment, il y a plutôt des gens qui sont bloqués. Tu voulais faire l'influenceur, hein, ou tu voulais Non, j'allais voir les influenceurs, influenceuses surtout. Les influenceuses. Voilà. Donc non. Ouais. Bah, ils se cassent tous, hein, ils reviennent tous. Mais apparemment, il y a la douane qui les attend pour le côté pépette, tu sais, parce qu'ils payent pas leurs impôts. Ils payent pas leurs impôts. Donc ils ont mis un petit panneau là-bas. D'accord. Donc il y en a certains qui vont peut-être partir ailleurs. Je sais pas. Donc du coup, fin mars, j'avais pas prévu d'émission, et on sera au parc des expositions. Toi, tu seras le 27 là-bas. Alors normalement, on devrait se retrouver là-bas. On devrait se retrouver parce que le truc, c'est que comme on va être un peu perturbé au niveau des émissions, on va essayer de se retrouver à nos horaires, mais on risque d'y avoir des chevauchements aussi, et peut-être qu'on aura plusieurs animateurs qui seront là pour co-animer, etc. J'ai une petite nouvelle à t'annoncer quand même, je suis toute la semaine là-haut. Du début jusqu'à la fin. Voilà, je vais co-animer un petit peu partout et sûrement faire du micro stand, on va dire. D'accord. Donc tu vas aller dans les stands et interviewer les gens et tout ça. Je pense que ça va être comme ça. J'ai vu avec Madame la Présidente. Parce que cette année c'est le Portugal qui est l'honneur. C'est pour ça que Radio Arc-en-Ciel qui est quand même c'est la seule émission de la région où on diffuse des programmes en portugais. Ouais, donc forcément. Donc c'était important quand même que Radio Arc-en-Ciel soit là-bas. Tout à fait. Et donc on sera là-bas pour la fin avec mars. Plaisir. Et on vous attend nombreux et nombreuses. Je pense qu'il y aura du monde. Il y aura du monde. Venez nous voir au stand, ça nous fera plaisir. Donc on rattaque pour le 3 avril. Alors le 3 avril, on va recevoir Lonson Sonic Watson. D'accord. Donc qui n'est autre que Christian des Sonic Lag. Mais c'est son projet solo. Voilà. D'accord. Il a la facilité dans le nom de son solo. Ouais, parce que Lonson, ça veut dire qu'il est tout seul. Ouais. Sonic, parce qu'il fait partie des Sonic Lag. Ouais. Et ah oui. Watson, parce qu'il faisait partie des Goodbye Watson, qui est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais que j'ai eu la chance de recevoir dans l'émission Mavrika. Voilà. Comme quoi. Donc, Lonson, Sonic, Watson. Voilà. À tes souhaits. Le 10 avril, on va recevoir ici le groupe Oniris. Donc, il m'avait dit, c'est une date qui est réservée depuis au moins 6 mois, je crois. Parce qu'il va y avoir de l'actualité. Bah, ils nous en raconteront un peu plus le moment venu. Je reviendrai si je suis en forme, hein, parce que à cette date-là, je devrais pas trop l'être en forme, mais bon. D'accord, ouais, je crois que t'as quelque chose, t'as une opération. Hein, ouais, tout à fait. Ouais, bon, ça va bien se passer. Ça va se faire. Donc, après, on devait recevoir les Happy Go Lucky Band, parce que ils font des enregistrements. Ouais, et puis c'est vu, un groupe que j'adore. J'ai passé quelques photos. Ouais, ils étaient en studio. Ils sont en studio en ce moment. Mais apparemment, des voix dernièrement. Les morceaux ne sont pas terminés, donc ça sera un peu limite. Alors les gars, il faut bosser là un petit peu. Ils bossent, les fils. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler tout ça. Et derrière, il y a le mastering, tout ça. Ça sera pas à jour. Ça prend du temps. Donc ça prend du temps. Et comme dit notre ami Phil Twang, avec lequel je discutais tout à l'heure, il me dit plus c'est long. Et meilleur c'est, paraît-il. Donc, c'est comme le bon vin. Hein. Voilà. Donc là, ils prennent leur temps. Il vaut mieux qu'ils prennent leur temps parce que après, c'est un super enregistrement qui va rester. Et ils viendront donc à la place du 17 avril, ils viendront le 1er mai. Voilà, on a arrêté la date. Est-ce que tu bosses toi le 1er mai? Bah oui, moi je ne travaille que le 1er mai d'ailleurs. Ah oui, bah, c'est bien ce qui me semble. Tous les aussi, autres jours sont fériés pour moi. Il n'y a que le 1er mai que je travaille parce que tu es pas payé double. Hein. Non. Payé double et un jour à récupérer. Ouais. Voilà. Je connais bien les lois quand même. Après, on va recevoir. Alors, j'arrive plus à me lire, donc ça va être un peu c'est compliqué. Grave, voilà, j'arrive pas à lire. C'est pas grave. Le 22 mai, voilà les dates dont je suis sûr. Après, parce qu'effectivement, il y avait un petit doute. Pour l'instant, on l'avait marqué. Le 22 mai, il y aura ici une formation. Ils sont deux. C'est un duo, ouais. Ça s'appelle Storyboard. On va écouter un petit morceau parce que en exclusivité, je les ai reçus hier ou avant-hier, et on va vous diffuser un morceau tout à l'heure en exclusivité. Franchement, c'est super bien joué et écoutez la voix de la chanteuse. Je pense que vous allez vous régaler. J'en dis pas plus. Et le 29 mai, on a prévu parce qu'il y a un groupe qui s'est composé. Avec des gens qu'on connaît, qu'on a reçus dans l'émission Mavrika. Ah oui, c'est le fameux trio. C'est le fameux trio où il y a Craig Waters, donc le batteur. C'est pas l'affaire à Louis. Non, mais c'est un autre. C'est un trio qui s'appelle The Perfect Fuck Up Band. Voilà. Trop facile encore. Voilà, c'est encore un nom à rallonge. Mais les gars, je leur poserai la question où ils vont se et torturer dedans, la tête à faire alors, ça. Dedans, qui c'est qu'on retrouve? On retrouve donc Craig, le batteur des Bell Rays. Alors je suis sûr qu'il y a Albert quelque chose, non? C'est Marc Albert des The Wild, voilà. Ouais. Et le troisième, je connais pas, mais ça sera l'occasion de le découvrir. Ah, en là, tout cas, va. Le groupe s'appelle The Perfect Fuck Ups Band. Bon, ça, il va falloir que je le dise plusieurs fois, parce que ça va revenir. Et le lendemain, ils seront en concert au Dropkick. C'est pour ça qu'ils viennent la veille à la maison. Donc ça encore une bonne idée de sortie parce qu'il y a pas mal de bons concerts. On a la chance d'avoir de bons artistes. Sortez, allez. Alors moi, je vais commencer ma saison d'organisation. Donc oui, ça commence. Le soleil sort. La liberté sort. Du week-end, elle va être un petit peu restreinte. Hein. Ah ouais, toi, tu auras tes propres concerts de toute façon. Donc Oui, tout à fait. Oui. Donc t'as la logiquement, chance. Oui, j'attends encore. Je dois avoir une réponse ce soir, je ne l'ai pas encore, pas facile d'organiser non, tout ça facile, alors non. Déjà on regarde pour l'agenda de Mavrika, on regarde pour les Mavrika Live, tous ces trucs là. Organiser les trucs, c'est pas évident. Ah, puis il peut y avoir des changements. Les gens qui viennent, je peux plus. Ouais, il peut y avoir des. Et moi, c'est pareil. J'avais prévu des gens pendant à une époque, et du coup, je peux plus les prendre parce que mon voyage va être retardé. Et du coup, là où je devais pas être là, bah, il va falloir qu'on prévoie des choses. Bon, on va pas prévoir des choses parce qu'on sera au parc des expositions. À la limite, s'il y a des artistes qui veulent venir nous rejoindre directement là-haut, on se débrouillera. Il y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. On a plein de belles personnes encore à rencontrer, à recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a encore plein de morceaux à écouter. Et je propose qu'on continue. Tu nous feras une petite chronique tout à l'heure aussi. Ouais. Je crois qu'elle est prête. Elle est prête. Et tu l'as enregistrée tout ça. Donc, à la limite, aujourd'hui, tu as tout préparé. C'est en boîte. Ouais, c'est en boîte. Aujourd'hui, il y a juste à réchauffer. Donc, on met le petit couvercle dessus et la ça clé va USB dans le micro-ondes et puis ça va le faire. Je vais garder ma voix un petit peu ce soir. Très bien. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un groupe qui était chez nous il y a quelques semaines. Vraiment pas. Ça fait deux semaines. C'était le groupe Modarn. Tu étais là. Ah, très bien. Modarn. Donc. Très bien. Ils ont fait un morceau en live ici, là, que j'ai adoré. Il a été vu à 1500 ou 2000 vues sur le live. Hein. Mmh, ouais, oui. Ouais, et en adoré, plus, ouais, c'est vrai que. Voilà, il y avait une guitare. Une voix. Adrien et Georges. Voilà. Du groupe Modarn. Ouais, voilà. Tout à fait. Et puis j'ai vu aussi qu'ils avaient fait des concerts. Apparemment ça tourne bien et tout ça. En tout cas, ce qu'ils font, c'est super propre et tout. Ouais, et je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle The Journey. Ce qui veut dire The Journey. La journée. Non, le voyage. Ah, excuse-moi, c'est ma compréhension d'anglais qui est pas bon. Ça c'est un piège. Effectivement, de journée en anglais, ça veut dire voyage. Donc on va voyager un petit peu avec Modarn. Je suis toujours aussi bon en anglais. moi je comprends l'anglais, c'est ça qui m'embête. Mais eux ne comprennent pas ça. Moi je pense que je chante quand même, parce que je veux savoir ce que je chante. Hein. Ouais, quand tu chantes pas avec Blue Tomahawk. Tu prends pas ça. Non, tu la chantes pas, Blue? Non. Mais plus personne la chante, cette chanson. C'est une chanson. Moi je la chante pas avec Blue Tomahawk. Je la chante avec Plug and Play, par contre. D'accord. Avec le duo d'ailleurs, j'attends que tu m'invites. Il faut qu'on cale la tête. Il y a des trous. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Non, mais on va se caler les têtes, il n'y a pas de souci. On tient de toute façon les auditeurs au courant. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui interviennent sur les Facebook. Continuez, hein, nous, ça nous fait vachement plaisir. Il y a aussi des petits messages. On va essayer de dire tout ça. Et pendant ce temps-là, on va écouter de la bonne musique. Le programme de l'émission Mavrika, il est sur le Facebook de l'émission. Donc, tous les morceaux qu'on va diffuser, vous pouvez retrouver les titres et les interprètes, hein, le nom des interprètes. Et on va continuer donc avec Modarn. On est ensemble jusqu'à 22h. Et tout à l'heure, il y aura la petite chronique de notre ami Didier. Et voilà.

When I think of these years, I remember when science became science to me. If I do not take care, I won't stop it when chaos became essence for me. I won't be sorry when I'm angry anymore. I never reckon be the fucking limb I was before. It won't be pretty when I finally set the score. Tell them fuckers we are far beyond the edge of war. When I was told I should be standing there with me, I forgave to the one who became my buddy. Used to tell anyone if they should look for me, I would be on lockdown watching the body. When I was told I should be standing there with me, I forgave to the one who became my buddy. Used to tell anyone if they should look for me, I would be on lockdown watching the body. Albino dans l'émission Mavrika sur Arc-en-Ciel. Voilà, on va faire une petite coupure quand même parce qu'on passe beaucoup de musique, hein, des artistes de la Mavericas Family, les gens qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc si on remonte un petit peu, donc on avait écouté Modern, je vous l'avais présenté. Modern, un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps, ils avaient fait un superbe morceau en direct live dans nos studios et on a écouté quand même la version studio donc de The Journey. Juste après, c'était encore un artiste que nous avons reçu il y a quelques temps qui nous a fait aimer pour ceux qu'il avait mis un petit peu de côté le style rap. Donc en tout cas, il le fait très bien, Axel de la Paix, et c'est une très belle personne et il revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel quand il veut. Et le morceau qu'on a écouté, donc c'était du rap sur une guitare acoustique et ça s'appelle Avance. Juste après, c'était encore un groupe que nous avons reçu, je me souviens, c'était en été parce que il y avait des figues et j'étais en train de parler justement avec Eric au téléphone pour prévoir l'émission. Donc je me souviens que c'était en été en 2025, c'était le groupe Noir Cerise et le morceau qu'on a écouté, alors j'ai toujours du mal à le dire mais on va essayer de s'appliquer cette fois-ci, rap rock raga. Voilà, rap rock raga en un seul mot, donc c'est pour ça qu'on se mélange un petit peu. Donc un mélange de musique pour ce superbe groupe, super agréable. On avait fait une super émission, hein, je me souviens, il y a toujours les très belles photos que vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission Mavrica. On a aussi écouté Siragis, donc une référence avec l'Iran où se passe pas mal de mauvaises choses en ce moment, mais on préfère avoir quand même des choses positives pour ce pays comme pour tout le reste du monde, parce qu'en ce moment ça va pas très très très bien. Le morceau Siragis s'appelle Butchering the Bully. Juste après, nous avons écouté un morceau, une reprise d'un groupe qui s'appelle Deep Purple. Voilà, c'était Highway Star et c'était repris par Hardway, un groupe que nous avons reçu ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. C'est nous qui vous l'avons fait découvrir et ils reviennent quand ils veulent. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau, vous avez sûrement reconnu un morceau de U2, ça s'appelle I Will Follow et c'est interprété par Elixir. Et en plus, c'est pas tout jeune, c'était dans l'émission numéro 165, pardon. On a fait que 400 émissions depuis. Donc ça fait pas mal de temps. Ça a été enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe était venu. Et c'est un groupe qui fait beaucoup de reprises et il sera demain en concert au Mavrica Live numéro 16 à l'espace Bérère de la Chapelle Cinéma avec le groupe Dérapade. Donc à partir de 20h, vous pouvez même venir un petit peu avant parce qu'il y a des exposants et tout ça. C'est l'occasion d'aller les applaudir. Donc un groupe de reprises avec plein de superbes morceaux. Et un groupe de composition, un groupe Dérapade, demain à partir de 20h à l'espace Bérère, à la Chapelle Saint-Mémin. Voilà, donc on va continuer cette fois-ci avec Monsieur Didier qui nous a préparé quelque chose qui s'appelle Chanter est un sport. Donc la chronique, elle est enregistrée. Donc Didier, il est derrière moi, mais on va l'entendre quand même parce qu'il a tout préparé à la maison. C'est parti. Chanter, c'est un sport. Chronique numéro 1. Voici la routine complète. On ne sprinte pas sans s'échauffer. On ne chante pas sans préparer ses muscles. Pour préparer sa voix de manière optimale, il faut voir cela comme un entraînement de sportif. L'hydratation, c'est le carburant de la voix. Contrairement aux idées reçues, boire un verre d'eau juste avant ou pendant le chant ne suffit pas. L'hydratation interne, la vraie. Il faut environ 2 à 3 heures pour que l'eau absorbée hydrate les muqueuses des cordes vocales. Quand on boit l'eau, elle descend dans l'œsophage vers l'estomac. Les cordes vocales, elles, sont situées dans le larynx, un peu plus haut. L'hydratation se fait par le sang qui distribue l'eau aux organes. Les cordes vocales sécrètent alors un mucus fluide et protecteur. Des cordes bien hydratées vibrent plus facilement, elles demandent moins d'efforts et résistent mieux à la fatigue. Le corps a besoin de temps pour assimiler l'eau. Boire pendant l'effort, c'est utile, mais pour d'autres raisons. Boire entre deux titres, deux morceaux, ça sert à humidifier la bouche et le pharynx, éviter la sensation de bouche pâteuse, détendre les muscles de la déglutition, calmer une tension naissante. Les règles d'or à faire

Eh ben voilà. Bon, vous avez compris pourquoi on a fait ça un petit peu enregistré, parce que faire des bulles dans le studio, c'est pas évident. Et puis bon, j'aurais pu les faire directement, mais bon, on a préféré le faire en vocal. Puis au moins, comme ça, vous pourrez la récupérer. Elle sera mise en podcast directement. Et puis si jamais il y en a que ça intéresse, eh ben ils pourront l'écouter. Puis ils pourront l'écouter donc à leur gré quand ils veulent. Hein, voilà. Très bien. Et moi, il va falloir que je fasse aussi des vocalises avant de commencer à faire l'émission de radio, parce que c'est vrai que même pour les animateurs, mais je pense que c'est important aussi. Mais bien sûr. Et il y a des fois, on n'est pas dans l'état pour parler. Voilà. Et puis, il faut un peu parler un petit peu avant pour s'échauffer un petit peu la voix. Ce que je disais tout à l'heure de vire-langue, on prépare un petit peu tout ce qui est la bouche, le côté. Tu sais pas ce que c'est que les vire-langues? Non, non. Ah, tu sais, c'est du style les chaussettes de l'archiduchesse. Serge. Tout ça, ça prépare. Ça prépare. Il ne faut pas tenter de tâter les. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Non, mais il y a tout un tas de choses. Et voilà, c'est vrai que pour nous, quand on est sur scène ou avant d'y aller, surtout, bon, quand on est sur une scène où derrière il y a des loges et tout ça, on peut se préparer. Mais on n'est pas tous des grands artistes et on n'a pas toujours des loges, donc des fois c'est pas évident, puis de faire ça devant les petits copains, les copines, les gens ils te regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Non, c'est très sérieux, parce que enfin pour moi je le prends très au sérieux, dans le sens où comme je le disais au début, se préparer c'est comme un sportif. J'ai jamais vu un joueur de football rentrer sur un terrain sans être échauffé avant. Là c'est pareil, mais dans l'échauffement il y a toute une préparation qui se fait, tant au point de vue psychologique, préparation psychologique, préparation physique, et après préparation vocale. Donc on commence déjà par tout ce qui est bassin, après on monte un petit peu au niveau de tout ce qui est torse. On travaille le diaphragme. Le diaphragme, c'est l'élément principal qui nous permet de chanter. Hein. C'est la pompe. Donc on l'assouplit. On ouvre un petit peu. Puis on remonte. Après, on travaille au niveau des épaules pour enlever. Parce que il faut pas croire que même si on a travaillé toute la journée à faire tout à fait autre chose, au niveau de la voix, entre passer de la voix parler à la voix chanter, on a des fois des crispations qui se font. On le voit pas. Et c'est comme moi quand je passe du français à l'anglais. Quoi. Voilà, comme un, ouais, tout à fait. Et de là, ça permet un petit peu de se préparer psychologiquement, et ça permet de dire à notre corps, je vais te demander de faire quelque chose. Bouge ton corps. D'accord. Voilà. Tu parles à ton corps. Ouais, toi, hein. Corps, et je lui dis, et là, il va se mettre en relation, et il va sortir un petit peu plus que ce qu'il a l'habitude de sentir. Après, bon, je sais qu'on peut toujours sourire, mais parlez-en à des professionnels. Je sais très bien que ça marche comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut se mettre en condition, voilà, on va faire. C'est comme s'il y avait une épreuve sportive. Tout à fait. On peut pas partir comme ça. Il faut vraiment s'échauffer, il faut vraiment être prêt au moment précis pour intervenir. Voilà, alors c'est vrai que nous, dans les endroits où on va faire cette évolution, c'est pas évident, parce que bon, on va se retrouver dans des lieux où, voilà, on n'est pas dans, je veux dire, dans l'intimité, on n'est pas dans la... Je suis sûr que tu vas le faire quand on sera au parc des expositions, donc fin mars, donc je me souviens plus exactement des dates, mais tu seras là-bas, donc... Du 20 au 29, donc... S'il faut le faire, tu sais, moi, ça ne dérange pas, d'ailleurs, sur Facebook, j'ai mis 2 ou 3 vidéos, ouais. je fais voir mes routines, je pourrais mettre les liens, ouais. Je fais voir mes routines, je suis en sortie au bord de Loire, et je fais mes exercices, on me voit tirer la langue, on me voit faire les... Ah ouais, d'accord. Ouais, on travaille tout ça, ça se travaille. Encore, il y avait des gens qui m'avaient dit au bord de la Loire, il y a un monsieur qui est un petit peu bizarre quand même. Hein, ouais. J'ai même eu des comment dirais-je, des fans, un fan club. J'ai eu des oies qui sont arrivées à un moment donné, j'avais toutes les oies à côté de moi, et elles me voyaient bouger, elles croyaient que je leur donnais à manger, tu vois. Et à un moment donné, papa m'a attaqué les doigts de ça, j'étais un petit peu, enfin bref, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut le faire, et ça fait déjà du bien au corps et à l'esprit surtout. Ouais. Et on arrive sur scène, on est déjà, bon, on les voit, regardez un petit peu des fois les artistes quand ils sont en backstage, avant qu'ils montent sur scène, avant qu'ils soient devant le public, regardez un petit peu les mouvements qu'ils font, regardez, ils se cachent un petit peu du public. Mais ceux qui ont l'habitude de le faire et ceux qui ont l'habitude de voir, ils savent ce qu'ils sont en train de se préparer. Ils savent qu'avant de rentrer dans l'arène, on les voit, que ça soit du Mick Jagger, que ça soit du peu importe, on les voit, ils se préparent. Ils sont, et pourtant, ils ont des années et des années et des années. Ah et des oui, années. Mais ça, et voilà. Et, ça n'empêche pas, il faut quand même chauffer. Ça emmène de la facilité sur scène après. Mmh. Voilà, c'est pas dire, il se prend pour qui. Non, c'est, ça prépare à, ça prépare à. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Très bien. On peut en discuter après. Hein, mais Oui, c'est vrai que tu nous as expliqué pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas. Mais les gens qui travaillent justement là-dedans le savent pertinemment. Voilà. De toute façon, c'est que ça soit Céline Dion, que ça soit Jackson, que ça soit tous ces gens-là, ils sont passés par là. Ils ont eu des profs, ils ont eu des coachs. Mmh. Ils ont eu des gens qui les ont coachés pour les apprendre, et en faisant ça, ça vous permet dans une tessiture d'agrandir un petit peu votre enveloppe vocale, de pouvoir aller pousser certaines notes que si vous le faisiez pas, vous pourriez pas faire. Et puis il y a certaines phrases musicales, si on se prépare pas à l'avance en respirant bien comme tout il à faut, fait. On arrive au milieu de la phrase et on a la colonne d'air qui est pas prête. Ah, ouais. Et là on entend des gros. Faut apprendre à respirer parce que c'est très important. Sinon après, on voit les chanteurs, c'est un peu comme des sportifs. S'ils respirent mal, ils deviennent tout rouges et puis on voit bien qu'ils peinent, ils souffrent. C'est pas bon. D'autant plus dans des langues que l'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Par exemple, pour moi, comme l'anglais, ou si je vous faisais chanter en japonais, il y a tout un système de concentration qui fait que quand l'esprit est concentré à ce que l'on va dire. Même si la respiration est automatique, dans le chant, elle l'est moins, en fait. Et à ce moment-là, ça peut arriver à amener des blocages, ça peut amener à arriver des picotements dans la gorge, des trucs qui vont vous gêner. Quand on parle, à la limite, c'est pas trop grave, parce qu'on parle, on s'interrompt. On a l'habitude, voilà. Mais quand on chante, on respecte plus le tempo, on respecte plus rien, et on est complètement à côté, quoi. Donc c'est vraiment important. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui fait des cours, on va l'écouter juste après. C'est une voix. Moi, je sais que, tout à l'heure, il y a eu un petit jingle avec la Jarry, tu te souviens? Oui. Et donc, nous, on reçoit assez régulièrement, Benoît et David, ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et je suis épaté à chaque fois parce que Benoît, il a une voix vraiment, déjà, elle est percutante et une voix assez, qui monte assez dans les aigus, en plus. Des fois, je le vois chanter ici, devant moi, j'ai cette chance-là, quand il vient dans les studios de Arc-en-Ciel. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'ils sont pas venus. Il va falloir qu'ils reviennent parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et justement, Benoît, je sais qu'il donne aussi des cours de chant, parce qu'il a une voix vraiment qu'il a travaillé. Excuse-moi de te couper, c'est une problématique sur Orléans. Les cours de chant, c'est pas évident. Des profs de chant, il y en a beaucoup, comme des coachs. Des bons profs de chant, ça commence à se compter sur les doigts des deux mains, et c'est surtout le prix. Le prix des cours de chant, c'est... Ah ouais. C'est vrai que... C'est pas donné. Voilà. C'est pas donné. Personnellement, moi, j'en ai pas pris, parce que déjà, j'ai pas les moyens. Alors, bon, après, on arrive sur un piano... On arrive à savoir où se situe sa tessiture. Sa tessiture, c'est entre le côté le plus grave et le plus aigu de ce que l'on peut faire. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Il y a certains gens qui ont un son. D'ailleurs, c'est aussi la continuité qui est très importante. C'est-à-dire que tu peux très bien chanter dans les aigus, dans les graves, et entre les deux, t'as un trou. Et ça, les gens, il faut qu'ils aient un niveau cohérent d'un bout à l'autre. Voilà. Après, ça se travaille. Ça se travaille. C'est un petit peu comme un guitariste, tout ça. Mais après, c'est pouvoir faire la transposition des notes par rapport à tel morceau ou tel morceau, si on n'en est pas l'auteur et l'interprète direct, quand on refait du cover et tout ça, c'est pas facile, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que des fois, il y a certains groupes qui font des reprises, qui changent un peu la tonalité, de manière à pouvoir mieux intégrer leur voix. Ça tombe bien que tu m'en parles, parce que j'en ai parlé mercredi dernier, lors d'une de nos répètes, on parlait de transposer certains morceaux. Alors, la transposition des morceaux, quand on passe un morceau qui est fait, admettons, en général, on va dire en sol, et que toi, tu peux pas le prendre en sol parce que ça va être trop pour toi, tu vas le passer. Soit tu t'écrases parce que t'es trop grave. La problématique, alors moi, c'est personnel, hein, ça n'engage que moi, je le dis bien, mais la problématique de beaucoup de groupes de covers actuellement sur la région, que je peux écouter, que j'apprécie, mais ils arrivent à être trop linéaires, parce que comme ils arrivent pas, ils veulent absolument faire ces morceaux parce que ces morceaux leur plaisent, mais ils sont pas à leur tessiture. Donc en fait, ils les adaptent en transposant la note originale à leur voix à eux. Et là, le morceau perd de sa couleur, il perd de son timbre. Enfin, le timbre de la voix est là, mais il perd de sa couleur. Et on se retrouve dans des concerts, on se retrouve dans des exercices de prestations de groupe où on arrive du début à la fin. On est, je vais pas dire monocorde, mais on est linéaire. On est toujours sur la même chose parce que la personne, elle veut tellement la chanter qu'elle est passée d'une composition en la, elle est passée dans une transposition pour sa voix, pour sa tessiture. Tout est accordé sur sa tessiture et bah, en fait voilà, c'est linéaire, c'est pas joli, ça manque de couleur, ça manque de timbre, ça manque de profondeur. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut, enfin pour moi il faut Yaka Faucon, c'est toujours facile à faire, toujours facile à dire. C'est facile à dire, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Tout à fait. Il y a certaines personnes qui ont plusieurs octaves et d'autres qui ont une voix plus limitée, quoi. C'est une discussion que j'ai avec un de mes guitaristes que je salue, Jicène, Jean-Christian, et on va avoir une petite discussion prochainement ensemble, tous les deux, les yeux dans les yeux. Voilà, transposer, ça enlève une certaine couleur à un certain au morceau. Et pour lui, non. Donc, il va falloir qu'il m'explique. Très bien. Voilà. Eh ben, moi, je t'ai parlé de Benoît et de David, fait, donc ouais. Le groupe Lajari. Et je propose. On va aussi citer les deux autres, hein, puisqu'il y a Alexandre aussi, et il y a Arnaud. Voilà, Arnaud, c'est le bassiste, Alexandre, c'est le batteur. C'est pas des débutants, c'est des super artistes confirmés. Je crois qu'ils tournent un petit peu, ce sont des références. Région, hein. Ce sont des références. Un petit peu à l'extérieur. Et puis Benoît et David, franchement, c'est des gens qu'on adore. Et je propose qu'on écoute un morceau. Alors, ils ont sorti plusieurs albums, plusieurs EP. Et il y en a un qui s'appelle Tu vas bien, le morceau. On va l'écouter tout de suite. Est-ce que tu vas bien? Ouais, bah, pas mal et toi? Mais rougis pas aujourd'hui, hein. Non, mais là, le truc, c'est justement qu'on dit souvent tu vas bien et puis on attend que les gens nous répondent oui, ça va bien. Alors qu'en vérité, ouais. Des fois, ça va pas. Ouais. Et on répond quand même ouais, ça va. Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va, mais ouais. Ça dépend. Bon, on va écouter plutôt les paroles de ce morceau. Lajari. Le groupe Lajari, tu vas bien. Des cachetons pour être heureux, même si au fond de moi ça va pas, tant pis, je te fais croire que ça va. Je vois mes parents qui prennent des rides et puis tous mes potes divorcés. T'as des nouvelles de la voisine depuis que son fils s'est suicidé. L'autre jour ils ont dit aux infos que la terre a la tête explosée. Ça paraît con mais ça m'inquiète, et toi tu vas bien? Qui vit à l'autre bout de la planète. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Putain, ça manque la fête. Mon frangin a fait des conneries. Il est à Fleury mais Rogis. Chaki a fait un infarctus. Sans doute à force de picoler. Serre-moi encore. On pourrait peut-être s'aimer. J'y crois à mort. Et toi, dis-moi, tu vas bien? Pour aller mieux, je prends des cachetons pour être heureux. Même si au fond de moi ça va pas, tant pis, je te fais croire que ça va. Voilà, tout ça c'est pour te dire qu'on est tous dans la même galère. Alors moi je profite de la vie. Et toi? We'll be right back. keep out of your game. Keep out of your game. Le groupe s'appelle Sorry Born et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Run. Et puis ce groupe-là, il sera bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel puisqu'ils viennent chez nous le 22 mai. Ce sera l'occasion de découvrir donc les artistes. C'est un duo et franchement, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est une exclusivité mondiale hein, et on va donc les écouter assez régulièrement dans l'émission Mavrika. C'était une découverte ce soir et donc n'oubliez pas, le 22 mai, Storyboard sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Juste avant, c'était The Uncle Bikers avec As Long As I Can et j'aimerais bien les faire jouer au prochain Mavrika Live. Je crois que c'est un peu dans les cordes, donc s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie de venir, ben de toute façon on va les contacter. Ça sera au mois de novembre. En tout cas demain il y aura donc le Mavrika Live numéro 16 avec Dérapade et Elixir qu'on a écouté déjà tout à l'heure, et tout à l'heure on a écouté aussi Lajari avec Tu vas bien. On continue dans l'émission Mavrika avec un groupe qui s'appelle Raskas justement, qui a participé au précédent Mavrika Live, Mavrika Live numéro 15, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Univers psychotique. Je me suis accroché jusqu'au fond. ordinaire où j'ai pu réparer les engrenages rouillés et on s'est envolé. Pour un autre avenir, les conseillers les regarder partir. Conserver ses valeurs, si le bateau chavire, le phare du port les guide pour revenir. Apprendre à comprendre, continuer de s'aimer, se quitter sans se perdre et profiter. C'est la chair de ma chair, c'est le sang. Version très spéciale des portes du pénitencier, voilà. de vie, tu le sais. Qui peut savoir avant l'heure passe l'éponge, quittons les songes et nous pourrons éloigner le pire, quitte à nous mentir. Éloigner le pire, quitte à nous mentir, pour que toi et moi fasse nous jusqu'au bout. Tu sais les années qui s'étirent, tu les fuis, je le sais. Qui peut savoir nos idées, nos désirs, changeons de mire et nous pourrons éloigner le pire, quitte à nous mentir. Éloigner le pire, quitte à nous mentir, pour que toi et moi fasse-nous jusqu'au bout. Je sais tout l'amour qui appelle, je le crie, tu le sais. Qui peut savoir les détours de notre ciel, goûtons le miel et nous pourrons éloigner le pire, quitte à nous mentir. Éloigner le pire, quitte à nous mentir, pour que toi et moi fasse-nous jusqu'au bout. Tu sais mes yeux qui te découvrent chaque jour, mon amour, qui pourrait savoir le contre ou bien le pour, et quitte à nous mentir et nous cacher du pire, qu'on se raconte toi et moi, faisons-nous, qu'on se rencontre toi et moi jusqu'au bout. Entre toi et moi jusqu'au bout. C'est incroyable comme le temps passe très vite dans l'émission Mavrica. On a passé 3 heures de musique, on n'a rien vu du tout. En tout cas, on a écouté plein de bons morceaux. On vous avait laissé avec Storyboard, avec le titre Run, les Rascas avec Univers Psychotrique, et les Karens avec La Chair de ma chair. Encore un autre souvenir, c'était dans l'émission numéro 144 de Mavrica, sachant qu'aujourd'hui on est dans la 677, donc ça fait quand même plus de 400 émissions qu'on a fait depuis. Les Karens avec Les Portes du Pénitencier, il y avait monsieur David McLean qui était là, et donc on avait fait un petit truc tous ensemble, donc un souvenir comme ça qu'on n'oubliera jamais. Et on pense beaucoup à toi Christophe qui nous écoute sûrement de là-haut. On a écouté aussi En Rêve avec Daran, on a écouté L'Affaire, un groupe que nous avons reçu en 2025 avec Je Sais. On a écouté à l'instant, c'était Drive to Amnesia, Catch the Time, et juste après ça sera Last Riders, un groupe que nous avons vu en concert il y a pas très longtemps. Ils sont venus aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et ce soir je vous présente une exclusivité, un morceau que j'ai reçu hier tout simplement. Marco me l'a envoyé, le chanteur, et ça s'appelle No Longer Be Alone. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. alone. Now I close the chapter. We cannot change what is done. Should we believe in a miracle? Eh ben, c'était plutôt pas mal, hein. C'est la première fois que je connaissais déjà ce morceau-là, il l'avait déjà interprété. Mais là, on l'entend donc en exclusivité mondiale, hein. Oh, c'est ouais. Quand même nous les premiers qui le diffusons. Les meilleurs artistes sont d'abord diffusés dans l'émission Maverick avant de devenir des artistes internationaux. En tout cas, Last Riders avec No Longer Be Alone. Voilà, en tout cas, un superbe morceau. Alors, il y en avait deux autres hein, qu'on va découvrir dans les prochaines émissions. Celui-là, c'était le plus calme et j'ai trouvé que c'était un slow comme ça pour finir cette émission. Ça le faisait bien, quoi, en tout cas. Ouais, et puis il se passe bien aussi quand ils sont en concert. Hein. Il y a une en concert. Super vidéo derrière, il y a de l'image. Là, il y a de l'image. Vraiment, c'est un vrai spectacle. Ouais, hein. Il faut aller les voir si vous avez l'occasion de voir les Last Riders en concert. Allez-y, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que nous, on y avait été. C'est vrai qu'on aime bien le groupe de métal. On aime plein de choses différentes, mais là, franchement. Franchement, d'un bout à l'autre. Ouais, on a été séduit. Ouais. Déjà par les personnages, parce qu'on les connaît un petit peu. Ouais. Mais en même temps, par le côté découvrir très ici très en studio, très professionnel. La veille ou l'avant-veille, les avoir dans une autre émission et puis là les découvrir, je veux dire en chair et en os, dans du public, ouais, c'est différent, mais c'était sympa. Très bien, donc Last Riders, on a découvert un morceau ce soir, on en découvrira dans les prochaines émissions. Et avec plaisir. On va terminer avec un morceau de monsieur Alex Lebay qui s'appelle Éphémère. Voilà, c'est une émission éphémère aussi. Ouais. Éphémère comme les autres, mais on fait les émissions. entre quatre yeux. Et puis on a papoté pas mal en hors antenne et on a écouté de la bonne musique. On a dit ce qu'on pensait de chaque morceau qu'on a diffusé ce soir. Et vous avez pas trop les oreilles qui ont sifflé. Voilà, on dit jamais de mal parce que franchement c'est un plaisir. Non, on sélectionne quand même les meilleurs artistes. Hein, voilà. Bien sûr. Les meilleurs artistes viennent dans l'émission Maureka. Ils viendront me voir à moi, mais quand je serai un petit peu plus maniable au niveau de la tech. Hein. Ouais. De toute façon, j'en ai quelques-uns là qui sont déjà prévus hein, dans les mois à venir. Il y a Alex Leplay que tu ne connais pas, que je te ferai découvrir. Oui, mais j'ai déjà aperçu. Voilà. Qui c'est. Voilà, j'aurais Chris Milan aussi que tu ne connais pas. Que je connais sans connaître. Oui, voilà, C'est des gens que. Mais souvent, il intervient aussi sur le Facebook de l'émission Maverica. Je sais qu'il nous suit aussi. Donc, Les copains de Sabor, on est en train de se caler aussi. Là, ça sera carrément autre chose sur la musique de Loire. D'accord. Et puis, je m'en doute un petit peu. C'est un truc de marinier ou de marin. Ouais. Et je sais que le 19 mars, je devrais avoir une émission un petit peu spéciale et bien sympathique avec Sacha. Sacha qui travaille au 108. Ah oui, d'accord, Breaking news. Ouais, parce que par hasard, on est en train de répondre un petit peu sur Facebook, etc. Et là, on tombe sur quoi? Une super vidéo. La vidéo des Last Riders. Allez voir, hein, franchement, c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Et bon, ils sont aidés aussi par l'IA. Ouais. En tout cas, ils maîtrisent très bien parce que c'est un très bel outil qu'on s'en sert pour ces choses-là. Ouais, mais là, c'est super bien fait. On a aussi notre ami Florent qui nous a laissé un petit message. Alors, j'ai même pas fait l'après-écoute, mais on va l'écouter tout de suite. Hein. Coucou à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et les auditeurs de Maverica. Vous aurez le podcast plus tard demain matin, sinon dans la nuit. Voilà, donc pour le podcast... Ouais, toujours vers 3h du matin, il envoie les podcasts. Je sais pas quand c'est qu'il dort, le garçon. En tout cas, on le remercie pour tout ce qu'il fait. Et en plus, plusieurs personnes m'ont demandé le podcast de la semaine dernière. Effectivement, Florent n'était pas là. Donc, il y a eu du retard, parce que lui, avec le travail qu'il fait... Alors, moi, j'avais heureusement enregistré ici, dans le studio. Ouais, on a eu un petit problème technique. Je lui ai donné... Ça arrive de temps en temps. Ouais. Non, c'est pas un problème technique, c'est qu'il n'était pas là. Ah, lui, il n'était pas là, donc il m'avait demandé de l'enregistrer. Et donc là, il est revenu, il m'a demandé le le dossier, le fichier. Ça y est, c'est en ligne. Hein. Vous pouvez aller le retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrica. Je l'ai partagé, le lien. Et vous pouvez écouter donc l'émission de la semaine dernière avec Nightfall District. Donc ouais. Voilà, dans les studios. Et là, il nous prépare aussi celle de ce soir. Donc, c'est parfait. On t'envoie beaucoup. Un gros bisou, Florence, si tu es à l'écoute derrière. Ouais. Et oui, donc je disais le 19, deux jours après la Saint-Patrick, ça tombe très bien. Je vais recevoir Sacha, qui est un des sonorisateurs ingé son du 108, et il va venir D'accord. nous parler précisément. Mmh. Apparemment, c'est un féru, mais un gros féru à fond, des Pogs. Les Pogs, et, ouais. Il va venir, il m'a dit, mais t'inquiète pas, j'ai vraiment des trucs à te faire découvrir, parce que bon, il est venu lorsqu'on était en train de faire une répète, on faisait un petit morceau des Pogs, et il m'a dit, ouais, vous êtes en train de l'inscater, les gars. Non, il a rigolé. C'est quel morceau de Pogs que vous reprenez? Nous, qu'on faisait, qu'on va faire, c'est Dirty Old Song. Dirty Old Song. Ça, c'est un, mais à l'armoute, ça, c'est un, ouais. mais... Enfin, j'aime pas que celui-là, mais ouais, c'est un de mes préférés quand même. C'est vrai que c'est un groupe qui a été un phénomène quand même en Irlande et tout ça. Franchement, c'était le groupe irlandais. Ils étaient pro-Irlande. Pourtant, ouais. ce sont des Anglais au départ. Mm-hmm. Mais voilà. Ça a eu un succès dingue. Voilà, et puis avec un Chad McGowan, les dentés, comme je disais. voilà, mais bon, il a été... Il a vécu, quoi, le garçon. Il a vécu. Mais moi, voilà, à chaque fois, j'ai toujours une pensée pour lui parce que c'est un des. Je dis pas que c'est le premier morceau que j'ai joué à l'armo, non, parce que à l'époque, je les écoutais pas encore à l'époque quand j'ai commencé un petit peu l'armo. Mais ouais, c'est un des morceaux que j'ai vraiment travaillé. Et je me souviens, ce morceau-là avait été joué ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe The Grape. Dirty D'accord. Old Town. Eh ben, écoute, on te le fera. On te le fera quand on viendra. Ouais, parce non que, seulement il, avec. Il faut une date, il hein, y a plein de dates à se caler. Hein, donc, ouais, mais nous, on n'est pas. Enfin, Blues Mohawk, nouvelle génération, n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, on est cinq, ça fait pas longtemps qu'on. Enfin, ça fait longtemps que le groupe. Existe, mais là, il y a eu des changements. Qu'on cherche à vivre. Mmh. Là, je pense avoir trouvé les musiciens qu'il faut. Puis il y a une bonne ambiance. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ça sera pour cet été le départ. Et puis, je viendrai te la faire avec Patrice. Patrice Plug and Play. Il peut pas être là le 17, hein, il m'a envoyé un message. Donc, on va essayer de se coller une date, il n'y a pas de souci. Voilà, et on viendra faire une de nous. Toute première, comme il était prévu normalement. Alors, on viendra avec Blues Tomahawk, nouvelle génération, Blues et on va se lancer devant vous, les auditeurs et les auditrices, bien sûr, de Mavrica et de Radio Arc-en-Ciel sur 96.2. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Alors là, jusqu'à maintenant, j'avais bloqué toutes les dates, tout ça. Il y a eu des changements au niveau de mon emploi du temps, donc on va déplacer certaines dates et tout ça. Mais les artistes qui sont prévus déjà dans les prochaines semaines. Oui, vas-y, redis-nous un petit peu là. C'est Klim. La c'est semaine prochaine. D'accord. Donc, tu te souviens du groupe Last Rider? Il y avait un bassiste qui s'appelle Bastien. Et oui. Il fait partie de Cyclim aussi. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va les recevoir. Ça sera une découverte pour moi parce que ça fait un moment qu'il m'en parle. Ça fait un moment qu'on doit les recevoir. Oui. Mais, ça s'est jamais fait. Donc, là, ça se fait. Voilà. On va recevoir aussi Lonson Sonic Watson. À donc, tes souhaits. Christian qui va venir ici avec son projet solo. Alors, non composé. Et lui, il est tout seul. Bon, voilà, comme ça. On aura aussi les Happy Go Lucky Band. Ça, c'est le 1er mai, hein. Ça, c'est le 1er mai. Le 1er mai. Donc, eux, ils travaillent les jours fériés parce qu'ils espèrent bien avoir un jour de. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne seras pas payé double, hein. Tu récupères pas, hein. Mais eux, oui. Ouais. Ouais, on les payera deux fois plus que les autres cher, hein. D'habitude. Ça va nous coûter cher. En tout cas, eux, ils ont un nom qui à rallonge aussi, mais ils sont quatre quand même. Donc, puis de sacrés artistes. Franchement, je les ai vus plusieurs fois en concert. Et j'ai Philippe, et un Philippe en cachait un autre. Ouais, il y a deux Philippe, ouais. Deux Phil. Voilà. On va recevoir aussi Oniris. Ah, ça c'est avant. C'est le 10 avril parce que c'est dans le désordre parce qu'il y a eu des choses qui ont été déplacées. Le 10 avril, donc. Il y aura Oniris. On va recevoir aussi Storyboard, le groupe qu'on a écouté tout à l'heure. Franchement, j'ai adoré le morceau, aussi bien musicalement que la voix de la chanteuse. Franchement, bien placé, tout ça, bien comme il faut. Le 22 mai. Et on va recevoir aussi The Perfect Fucked Cup. Bon, on recommence. The Perfect Fuck Ups Band. Voilà, encore un nom composé. Et là, il y a notre ami Craig qui sera dedans. Et il sera pas tout seul, puisqu'il est avec Marc Albert. Marc Albert. Qu'on connaît bien. Et puis, il y en a un troisième qu'on va découvrir aussi. Hein. Donc, j'ai vu les photos. C'est un trio. Tu me redonnes la date, c'est le... Le 29 mai. Alors, il va y avoir un concert bientôt, mais c'est un vendredi, donc je pourrais pas y aller. Et nous, on se retrouve où déjà? En fin mars. Oui. En fin mars. Ah bah il me semble qu'on est on représente Radio Arc-en-Ciel pour le à la foire expo, la foire exposition voilà. Qui est consacrée au Portugal, qui est un très beau pays quand même, il faut bien l'avouer. Donc à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Didier. Ah, comment c'est en portugais? Un petit nom en portugais, je sais. Didier, je sais pas, non. Je connais pas le truc. Mais on va bien trouver un petit nom portugais. Voilà. Il est en train, on était en off tout à l'heure, il me donnait des cours de portugais, j'étais mort de rire. Parce qu'il me disait. Il y a des faux amis, Il y a beaucoup de gens qui essaient de parler pour faire plaisir au portugais. Ils leur parlent avec l'accent espagnol. Et des fois, ça le fait pas du tout. Ouais. Parce qu'il faut pas dire à Georges. Jorge. Non, en portugais. C'est espagnol. En portugais, Georges, c'est Georges. Voilà, c'est simplement, on le dit, il y a que les Espagnols qui mettent la rota. Alors, non seulement j'apprends l'anglais, mais maintenant j'apprends le portugais. Je vous explique pas ce que ça va donner sur scène. Ouais, il faut pas les mélanger. Non. C'est des langues différentes. Mais bon, après, les Anglais sont toujours bien entendus avec les Portugais. Ah ben, bien sûr. C'est grâce à eux qu'on a C'est pour moi qui donnerai des cours d'anglais, ça c'est sûr. Très bien. Bon, enfin, voilà, donc on sera là-bas. On va animer, on aura notre studio qui sera sur place, donc un studio mobile. Donc on sera plus comme à la maison, mais on sera un petit peu en extérieur. On va un petit peu nos repères, ça va être sympa. Ouais, mais ça va être sympa. On l'a déjà fait il y a très longtemps dans plusieurs endroits différents. Ouais, bien sûr. Donc on s'y sporte. Voilà, on reste pas dans le studio, on reste pas emmuré dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Pour certains, vous pourrez mettre des visages sur des voix et des voix sur des visages. Ouais. Et venez nous voir. Venez nous voir. C'est encourageant. Mais c'est ce que je disais, c'est aussi encourageant quand on a des petits pouces en l'air, quand on a des petits coucous sur les réseaux, sur la messagerie, tout ça, pour nous. Parce que c'est ce que je disais à Nicolas, qui est venu la semaine dernière en interview pour la CB. Il me disait, ça, c'est vachement dur, parce que on parle, mais on sait pas à qui on parle, et on part dans le vide. Ouais, on parle et on sait pas ce que... Voilà, non, c'est pas évident pour nous, animateurs radio, c'est bien qu'on y ait vos soirées et on le fait avec plaisir, retour. Bien sûr. Mais voilà, on n'a pas le retour sur toujours sur investissement. tu investis beaucoup. Hein. Ouais, bon, on s'investit beaucoup. Ouais, hein. On fait ça avec passion en tout cas. Voilà. Et puis là, je voulais quand même regarder. Là, il y a pas mal de petits pouces hein, en l'air. Il y a quelques commentaires. Moi, j'aime bien aussi les commentaires parce que là, au moins, il y a des photos déjà. Ouais. Tu nous as pris en photo. Il y a Pascal Hugues qui fait partie du groupe les Uncle Bikers. On les a diffusés. Il y a Told. Alors, on a écouté ce morceau-là tout à l'heure. Il est vraiment magnifique. Et Told, il va falloir qu'on l'invite. Donc, n'hésite pas, Thomas, si tu nous écoutes. On essaie de se coller une date. Tu viens dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et tu nous fais ce que tu fais chez toi, là, tout seul, avec ton nouveau projet. Et on sera ravis. Il n'y a pas de souci. Il y a le groupe Hardway aussi. Hey, Albino et Didier, bonne émission. Donc, on les a reçus il n'y a pas longtemps. Merci. Ouais. Et Thibaut aussi. Ouais, il y a... Thibaut, bonne émission. Donc Thibaut qui fait partie du groupe qui était venu avec Nightfall District, voilà. Les Uncle Bikers aussi qui ont remis un petit j'aime parce que on les a diffusés. Hein, donc voilà, ils nous remercient de les diffuser. C'est très important pour les artistes de les diffuser parce qu'il y a des artistes comme ça qui ne passent pas forcément dans les grandes radios. Donc nous, on les petites radios, on les fait découvrir. Et on espère que les grandes radios vont les découvrir. Parce qu'il y en a certains qui passent chez nous et qui passent après dans notre radio. Et on n'est pas jaloux, on est content d'ailleurs. Et on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux du tout. D'ailleurs, la dernière personne qu'on va écouter, là, c'est Alex Lebaille, qui passe aussi régulièrement dans plein de radios. Ouais, mais aujourd'hui, il s'est exporté, Alex. Voilà, il est à Annecy. Annecy. Et demain, il essaiera d'être avec nous s'il n'arrive pas trop tard, s'il n'est pas trop fatigué. Mais en attendant, bon, c'est quelqu'un qui... Allez, on lui envoie toute notre énergie, là. Il doit être en plein dedans. Ouais, il doit être à fond dans le concert et puis il va rentrer dans la nuit. Et puis demain il sera fatigué. Et si la possibilité, il viendra. Oui, c'est un vrai artiste. Hein, ouais. Là-dessus, c'est un artiste professionnel. Il faut quand même accompli, le dire. Bien sûr. Accompli. Très bien. Donc là, je vois que ça continue d'arriver. Hein. Merci pour les petits. Et puis en plus, tout ce qui est posté dans l'émission, vous avez toute une semaine, vous pouvez continuer à nous mettre des petits messages. Alors il y a Nicolas aussi, tiens, ouais, Nicolas qui a commenté. Salut Albino, toujours agréable à écouter. C'était sympa encore. Merci pour ton émission. Voilà, donc Nicolas que j'ai vu hier et qu'on se voit assez régulièrement actuellement et qui est le bassiste des Twister Cover et excellent bassiste et excellent groupe. Ça c'est un groupe. Fait partie de mes groupes j'aime beaucoup de choses, mais là ça fait vraiment j'aime bien ce qu'ils font, ils sont un rock bien comme j'aime et tout ça, donc ça fait plaisir. Et je me souviens encore, c'était le, si je me trompe pas, c'était le 10 octobre, ils étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et franchement c'est des mecs géniaux quoi. D'ailleurs je crois qu'ils avaient pris une batterie en boîte. Ils avaient pas une batterie, ils avaient pas un... Oui, il y avait un batteur qu'ils avaient mis dans une cage. Ils l'avaient mis dans une boîte. Ils avaient réussi à le mettre dedans. Ouais. Et ils le lançaient, puis poum, poum, poum, poum. Des fois, ils avaient du mal à l'arrêter, mais bon. Les gens qui nous écoutent, ils disent, qu'est-ce que c'est que c'est de... Mais les gens qui sont à l'écoute, n'hésitez pas à vous contacter Albino sur Albino, Mavrika ou autre. Ou même envoyer un mail à Arc-en-Ciel si jamais vous savez pas comment le contacter. Et vous pouvez aussi nous contacter sur mavrika@live.fr qui est l'adresse officielle de l'émission Mavrika. Et après, sur le Facebook, c'est vrai que... Tu verrais tous les messages que je reçois. Je vois défiler. Il bloque tellement il y en a. Ouais. Donc il y a beaucoup de messages et c'est très bien. Ça peut m'arriver d'en zapper. Si je zappe un truc, vous me rappelez, il y a pas de souci. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, des fois, je reçois tellement de machin, je me dis, je répondrai après. Je le dis, mais si un jour il y a une personne artiste ou pas artiste qui n'est jamais venue en radio, mais même sans venir parler de lui, mais qui veut venir voir comment se passe une émission, je suis sûr que t'es prêt à l'inviter et visiter. À une époque, ça se faisait beaucoup. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait dit un petit peu Albino. Il y a beaucoup de monde dans le studio. On a des photos où on était beaucoup de gens. Et il y avait simplement des auditeurs qui disaient on aimerait bien venir. Tiens, il y a tel artiste. Moi, je lance l'invitation, si jamais il y a des auditeurs. Et il y en a certains, je me souviens de plusieurs personnes qui étaient venues ici, qui se mettaient dans un coin et qui ne bougeaient pas, qui regardaient une émission de radio. Bien sûr. Il y en a un qui est venu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est Stéphane Lemoine. Ouais, Stéphane Lemoine. Il m'a dit, je peux venir, je suis en vacances et tout. Ouais. Voilà, il est venu et je lui dis, mets-toi au micro. Oh, non, je veux pas. Mais si, vas-y. Et la semaine dernière, j'ai eu du mal à faire parler Miguel qui était venu juste, moi je viens juste pour prendre des photos. Et j'ai quand même réussi à le faire parler et lui rappeler nos bons souvenirs avec le groupe Map Cara qu'on a écouté tout à l'heure. Franchement, il était venu à plusieurs reprises ici. Donc, ils font partie de la famille, donc c'est des gens qu'on est très content de retrouver. Mavrika Family. Ouais, la Mavrika Family, et ça peut être des artistes, mais ça peut être aussi des gens qui aiment la musique. Des hommes et des femmes, des humains et voilà. Avec lesquels on passe un beau moment. Bien sûr, pro, amateur, peu importe. Ouais, personnellement, nous on s'en fout. Ouais, on s'en fout un peu. Nous on veut des gens qui ont du talent, et puis c'est tout. Et le talent, c'est pas le statut. Le statut ne fait pas le talent. C'est le statut qui donne le talent. Ouais. Et puis c'est le talent qui donne le statut. Et aussi pour les guitaristes, il y a des pédales pour plein d'effets, mais il n'y a pas de pédale talent. Donc on l'a. Mais non, voilà. Ouais. Dans les amplis, il n'y a pas de besoin. Patrice, t'as entendu, la prochaine fois, tu viens avec tes pédales. Non, mais il va se sentir tout nu. Très bien, donc on a dit plein de choses et puis on est en train de déjà dépasser un petit peu. Cette émission est terminée. Donc on se donne rendez-vous demain au Mavrika Live puisque il y aura deux groupes qui vont jouer. Donc 19h45, 19h30, 19h45. Ça commence en principe à 20h, on a marqué 20h, mais venez un petit peu avant, inquiétez pas, on va essayer de commencer le plus tôt possible parce qu'on aimerait bien donner du temps aux gens de pas de serviettes, mais il y a des frites, t'inquiétez pas. Des frites, pourquoi tu nous dis des frites? Il y a des frites pour ça, pour les faire venir. Ah bon, c'est ça comme ça. Les frites. Non, on vient pour la musique. Les gens viennent pour applaudir. Moi, j'aime bien écouter de la musique en mangeant des frites, tu vois. D'accord. Bien grasse. Ok, donc demain il y aura le groupe Dérapade et le groupe Elixir. Très bien. À 3 heures de rock, 1h30 chacun avec une petite coupure au milieu. Quelques stands, quelques exposants. Il y aura des exposants. Il y a plusieurs exposants différents. Donc c'est tout bon pour passer une très bonne soirée demain soir. Et puis, voilà, ok. Voilà. On se retrouve à Bérère demain soir. Alors. Voilà, c'est comme ça. Donc nous deux, on se quitte plus. Quoi. On se quitte plus. On se retrouve régulièrement. Et quand on se voit pas, on se téléphone. Voilà. Alors, voilà. Voilà, cette émission est terminée. C'était l'édition numéro 677. Ah, ça passe vite. Et ça passe vite. Hein. Quand on arrivera à la millième, on fera quelque chose quand même de formidable. En tout cas, sans arriver à la millième, demain, il y a le Marika Live numéro 16. Voilà. Moi, il va falloir que je pédale pour te rattraper. Ah ouais, il faut que tu fasses plusieurs émissions par semaine. 15. Hein? 15. Plusieurs émissions par semaine. Voilà. Déjà une ça me prend un petit peu de temps. Après, ouais, c'est incroyable parce que les gens, ils s'imaginent pas, mais on est obligé de préparer plein de choses à l'avance. Parce qu'on est là au studio, on parle. Là, en ce moment, on est en train d'improviser. On dit. Mais il y a pas mal de préparation quand même pour préparer, pour présenter les artistes. On peut pas dire n'importe quoi. Il faut qu'on connaisse un petit peu, qu'on les écoute, qu'on ait quelque chose à dire. Donc, et puis après, il faut préparer. On est aussi archiviste. On prépare tous nos archives, tous les morceaux. On est à la technique et à l'animation. Donc, on fait tout. On fait tout. Voilà, on est le couteau suisse. Hein. Tiens, je vais vous dire un petit truc, un petit scoop. C'est que l'émission à fleur de piel. Voilà, je vais le dire avec l'accent espagnol. Donc, va recommencer le mercredi après-midi. Donc, si vous aimez la musique féminine, moderne, la musique moderne avec espagnole, avec Christina. Donc, ça va se refaire. On est en train de préparer ça. Et donc, on l'avait laissé tomber. Il y avait eu 76 émissions quand même. Quand même, on va écouter de la cornemuse alors. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est de la cornemuse là-bas. Ouais, mais non, c'est la musique moderne espagnole. Ça peut être. Il peut y avoir un petit peu de musique andalouse. Je ne savais pas. Elle m'a appris qu'il y avait de la cornemuse. Tu savais pas qu'il y avait tu savais que même au nord du Portugal, il y a aussi la cornemuse. Non, moi, je savais que la cornemuse allait plus en Écosse et en Irlande. Ouais, mais tu sais que au-dessus du Douro, cette partie-là, la Galice, eh ben, ils ont conservé leur tradition celtique. D'accord. Donc voilà. Et dans le nord du Portugal et l'Espagne et les Asturies aussi, les cornemuses, on les retrouve. On en apprend des choses à Mavrica quand même, sur Arc-en-Ciel. Des fois, je dis des bêtises. Ouais, ça t'arrive. D'ailleurs, je voulais rappeler un petit peu la semaine dernière, j'avais parlé de piano et j'avais dit que Catherine Lara, c'est pas Catherine Lara, c'est Véronique Sanson qui est au piano. Catherine Lara joue du violon. J'avais l'image dans le truc, mais j'ai dit une bêtise quand j'ai réécouté le podcast. Je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est pas bien grave. J'espère que vous avez corrigé de vous-même. Des fois, on en dit des bêtises, moi aussi, je me surprends. Ouais. Donc voilà, quand on fait des petits, on peut dire aussi des choses qui sont pas justes. N'hésitez pas à nous le dire. Hein. Voilà, on corrige, il n'y a pas de problème. Voilà, cette émission est terminée. On va dire la phrase magique, que le rock'n'roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et everything is gonna be alright. Voilà, cette émission est terminée. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. On se voit demain quand même. Un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine avec le groupe Cyclim. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica et on écoute un dernier morceau qui s'appelle Éphémère et c'est notre ami Alex Le Bail. 96.2 FM, la radio que nos ama. Ainda não perdeu na Liga e tenta a aproximação ao líder Porto. Os Dragões querem continuar longe dos rivais na corrida pelo título. Liga Portuguesa de Futebol, jornada 25. Benfica, Porto, este domingo no Estádio da Luz. Relato de José Pedro Pinto e Paulo Sérgio. Comentários de Luís